Grosse nouvelle dans le monde du football régional et local. William Saint-Pierre, un demi-défensif qui a joué pendant 4 ans avec les Gaillards de Jonquière, s'est commis vendredi après-midi, il a annoncé sur sa page Facebook, s'est commis avec l'Université du Vert et Or de Sherbrooke. Question de savoir un peu qu'est-ce qui a forcé la main ou encore qu'est-ce qui a fait que le Vert et Or s'est intéressé à William Saint-Pierre, qu'on va parler mercredi d'ailleurs. On parle avec Guillaume Boucher, qui est le coordinateur des demi-défensifs chez le Vert et Or. Bon après-midi, Guillaume. Et bonjour. Guillaume, qu'est-ce qui a incité le Vert et Or à recruter William Saint-Pierre? Premièrement, il faut comprendre que c'est un long cheminement. On est sur notre cohorte. Présentement, on parle de la cohorte 2020. Donc, on travaille sur cette cohorte-là depuis février-mars 2019. Donc, on a évalué environ 150 demi-défensifs. On appelle ça faire un board, donc on les a ratés. C'est-tu comme un peu les combines qu'on voit dans la NFL? Ça ressemble-tu un peu à ça, les Pro Day? Non, pas du tout. Donc, c'est okay. Pour les jeunes étudiants athlètes sont au collégial, il n'y a pas vraiment de combine. Donc, nous, les coachs okay. universitaires, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on évalue le film de la deuxième année. Okay. Dans la troisième année pour William, vu qu'il faisait une quatrième année. Les kids qui font une troisième année, on regarde le film de la deuxième année. Okay. Puis on les rate dans certaines couleurs. Donc William est un étudiant athlète qui a fait partie de nos boards parce qu'on était intéressé vraiment, premièrement, à ses skills, donc vraiment à ses pieds, à sa vitesse, à sa lecture de jeu. Donc il a fait percer dans notre board qu'on était environ une trentaine de demi-défensifs qui a fait notre première coupure d'équipe qui nous intéressait. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'en va vraiment parler à des gens qui le connaissent. Okay. Des anciens coachs, son coach, des amis, pour voir quel type d'individu il est. Donc, c'est une chose, le joueur de football, mais tu veux pas rentrer seulement des bons joueurs talentueux dans un programme de football. En tout cas, nous, le caractère, les valeurs des étudiants athlètes, donc vraiment important pour nous. Donc, on a eu des super bons mots par rapport à comment William interagissait avec ses coéquipiers, comment il était en tant qu'individu. Donc, ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de voir cette dernière saison. Donc, on parlait que nos premières évaluations étaient au mois de mars, au mois de février, avril, dans ces jours-là. Ensuite, on le regarde à son camp de printemps. Par la suite, on le réévalue pendant sa dernière saison. OK. William a été intéressant tout au long de ce parcours-là. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment rentré dans un processus de recrutement avec lui. Donc, on l'a fait venir dans nos instances, notre campus, pour lui expliquer nos valeurs à nous. Puis, ça a été un parfait match. Donc, l'étudiant athlète a aimé nos valeurs. Vraiment, il a un lien avec ses propres valeurs avec lui. Donc, il a aimé notre mission, il a aimé nos instances, il a aimé la façon que je coordonne la défensive. Parce que je suis coordinateur défensif et coach des demi-défensifs. Donc, je suis comme okay. double tâche à ce niveau-là. Donc, on a une bonne relation. Puis, ils sont bien à l'aventure avec nous. OK. Dites-moi, moi, je me rappelle de William. Écoute, ça fait longtemps que je le connais même personnellement. Puis, on me disait, y a-t-il un potentiel universitaire? Puis, on disait tout le temps, les gens me disaient. Que William était trop petit. C'est pas la volonté qu'il voulait, mais il était trop petit pour jouer au football universitaire. Est-ce que ça vous inquiète? Aucunement. OK. Donc, la position de demi-défensif, le but d'un coach, c'est qu'il faut que tu aies les forces de tes joueurs. Puis William, avec l'impulsion qu'il a, puis vraiment l'agilité, donc on va définitivement être capable de le mettre quand même dans des positions qui sont intéressantes pour lui. La compétition va être féroce. Là. C'était notre meilleur recrutement de demi-défensif selon moi personnellement, parce que je suis à Charlotte depuis 2004. Donc, meilleur recrutement au niveau de demi-défensif, je crois, depuis l'histoire du Vert. Donc, il va y avoir beaucoup de jeunes, il va y avoir beaucoup de talents dans notre brigade de la tertiaire. Donc, ça va être vraiment une chose-là. Tous les étudiants, en fait, ont décidé de venir chez nous. C'est parce qu'ils ont l'esprit de compétition. Donc, il va venir compétitionner pour un poste. Donc, ça va être vraiment excitant à voir au camp d'entraînement. Guillaume, si on parlait un peu de la façon que vous entendez l'utiliser. Je sais que François Laberge me dit tout à l'heure que le fait qu'il va arriver plus tard à l'université, ça va jouer contre lui. La prochaine année sera peut-être une période d'apprentissage dans son cas. Est-ce que tu es d'accord avec François là-dessus? Oh oui, c'est sûr que c'est sûr qu'on le voit à long terme. Donc d'arriver recrue puis de ne pas avoir été là à l'hiver, c'est sûr que c'est un petit peu plus dur au niveau du livre de jeu. On roule un système qui se rapproche énormément des systèmes qu'on retrouve dans la Ligue canadienne. Donc c'est sûr qu'il y a quand même pas mal de stock à apprendre. Mais pour répondre à ta question, on le voit définitivement comme corner ou comme safety. OK. Dis-moi, les unités spéciales, c'est souvent l'entrée pour au football canadien, au football. Est-ce que ça pourrait être l'entrée pour William Saint-Pierre? Définitivement. Oui, hein? Qu'un recrue, ça va passer par les special teams, définitivement. OK. Et ça, est-ce qu'il pourrait avoir de l'action dès l'an prochain chez les unités spéciales? Ah, il y a toujours. La réalité, c'est que pour moi, j'ai aucune préférence avec la division 1, division 2, division 3. Moi, j'évalue le kit, j'évalue l'individu. Donc, c'est en special team, tu as besoin de courir, tu as besoin d'avoir un cœur extrêmement gros. Puis, William possède ces deux atouts-là. Donc, ça va juste dépendre, encore une fois, qu'on roule pas mal un pro system aussi au niveau des unités spéciales. Fait, il y a beaucoup de techniques à maîtriser. Donc, c'est sûr que il va falloir qu'il passe du temps avec Coach Gimbal tant qu'il va arriver cet été pour qu'il soit capable de maîtriser les techniques, surtout sur les unités de retour. On parle de kick-off return et punt return, parce que plusieurs techniques à assimiler au niveau de ces deux unités de retour-là. Fait que ça va être it's up to the kid. Que sa progression, comment est-ce que l'assimilation de notre terminologie et l'assimilation de nos techniques vont se faire comment rapide. Ouais. Dis-moi, c'est une période importante pour le football universitaire, football collégial, c'est la période de recrutement, c'est là que ça se décide, pareil. Êtes-vous satisfait du recrutement? Je sais que c'est de ne pas être facile, vous avez le rouge et or dans le décor, qui sont vraiment une dynastie. Vraiment, là, convaincre un jeune de s'aligner avec le Varéor, est-ce que c'est facile et est-ce que vous avez fait un bon recrutement? C'est une question deux questions dans une, autrement dit. Oui, on travaille extrêmement fort. On est super satisfait de notre recrutement. Donc, la vague verte, on utilise cette expression-là depuis le début parce que, honnêtement, le recrutement est fini. Le recrutement 2020 est terminé. OK. C'est à 95 à 90% fini. Une coupe de bons petits joueurs, par-là qui reste, là, mais on a déjà rentré 37 ou 38 joueurs pour 2020. On n'est jamais satisfait parce que quand tu es satisfait, ça veut dire que tu arrêtes de travailler, tu travailles moins fort. Donc on n'est pas satisfait, mais on est satisfait quand même. Ouais. Donc non, on a eu une super belle cohorte. On est vraiment excités là, à rentrer dans la saison. Là. Dernière question, parce que je sais que vous étiez dans la meeting. Danny Matsuosha n'est plus l'instructeur de l'équipe des Carabins. Il est maintenant directeur général des Alouettes. Est-ce que ça va rapprocher les autres équipes? Je sais que le Rouge et Or, par le passé, c'était les Carabins, c'était le Rouge et Or. Hein, le Rouge et Or va être toujours là, mais est-ce que ça peut rapprocher les autres formations puisque Danny Matsuosha n'est plus là? Tu sais, quand Danny Matsuosha te parle, ça peut aider un jeune, ça peut impressionner un jeune. Oui et non. Je pense que Danny, je lève mon chapeau. Il a fait un travail colossal dans les 10 dernières années. Par contre, ils ont un staff encore en place ultra compétent. Donc, je suis convaincu qu'ils vont rester toujours aussi compétitifs. Et que la ligue se tête anyway, d'année après année. Tout le monde va chercher le pièce du puzzle. Je pense que l'Université de Montréal va continuer à faire un très bon travail. Ben Guillaume, on va surveiller évidemment l'entrée en scène de William Saint-Pierre. On va lui parler mercredi. On ne pouvait pas lui parler avant parce qu'apparemment que le kid a une horaire complètement folle. Donc, on va lui. C'est pour ça que je voulais parler avec les gens du Varéor. Fait que félicitations pour l'embauche de William Saint-Pierre. Moi, je le connais personnellement. C'est un jeune kid qui est très sérieux et je pense pas que vous avez des problèmes. Puis ce que tu dis là, c'est tellement vrai dans son cas. Je te remercie beaucoup. Voilà Guillaume Boucher, qui est le coordonnateur à la défense chez le Varéor de Sherbrooke.